Le va et vient du quotidien, vient tout le temps de ce désordre. Ces plantes faites me tiennent compagnie. Lire, écouter, écrire, regarder, j'entends vivre ainsi longtemps. Les amours des célébrités, que par curiosité, il m'arrive d'écouter depuis un moment déjà, me font penser à une respiration. L'amour a dans le cœur les pétales de tulipes de Hollande, noir, rouge, jaune, les couleurs sont aux yeux, au gré des tapis en fleurs d'un jardin anglais. Au mer de vagues bleues, le soleil sort son lit des nuages pour un paysage apocalyptique que le scarabée fasse deux ou trois pas de danse. Le tango m'interpelle comme la musique de Cuba. Cuba prend l'Espagne pour une Italie de Dante. Oh Florence, je voyage dans tes livres d'autrefois pour toi. Mais tu vis encore chez toi, tout est resté. Va et vient du quotidien, vient tout le temps de ce présent. Ces plantes faites me tiennent compagnie. Lire, écouter, écrire, regarder, j'entends vivre ainsi longtemps. Les amours des célébrités que par curiosité il m'arrive d'écouter me font penser à une respiration. L'Italie est un jardin merveilleux pour deux, voir les statues de nu et les peintures d'un voyage enchanté. Nuit enchante, le jour de tes étoiles, jour. Respire pour cette nuit profonde et mystérieuse. Ô vent, pourquoi as-tu soufflé si fort? N'as-tu pas vu la mort? Ô le vent se coucher sur le sol. Ô vent plus fort que fort, n'as-tu pas vu ces arbres sans paravent se casser sur ton sol? Au vent que la nature a voulu soufflant, n'as-tu pas vu la ville au couchant se lever à la respiration de ton souffle? Le va et vient du quotidien, Vient tout le temps de ce présent. Ces plantes vertes me tiennent compagnie. Lire, écouter, écrire, regarder, j'entends vivre ainsi longtemps. Les amours de célébrités que par curiosité il m'arrive d'écouter me font penser à une respiration. Sonne les matines pour une nuit étoilée au feu, grand feu gagnant la forêt tout entière, redonne matière vivante à l'homme d'aujourd'hui. Aujourd'hui il ne pleut plus depuis 10 jours et 20 nuits. À quelques exceptions près, je ne suis pas sensible aux artistes de mon temps, et il y aura toujours dans mon cœur certaines chansons. Les chansons comme la littérature sont mes plus beaux compagnons. Et puis, il y a Mozart, Beethoven et la musique ancienne. J'aimerais chanter les chants lyriques pour qu'ils vivent et m'oublier. Mais bon, ma voix doit travailler le roman. Est déjà écrit depuis quelque temps. Le phare vient du quotidien. Vient à moi tout le temps de ce présent. Lire, écouter, écrire, regarder, c'est ce que j'entends vivre longtemps pour un diamant posé sur une rose.